Et comme je disais avant, mes frères, cette station est basée sur un fondement important qui est su'u-dhanni bin-nafs, penser du mal, penser tout le mal de toi-même. Car si tu penses du bien de ta personne, ça t'empêchera de fouiller et de chercher dans les défauts de ton nafs. Et tu peux voir les défauts comme des qualités. Et tu peux voir les négligences comme des perfections. Et parmi les signes qui indiquent que le serviteur pense du bien de lui-même, c'est sa satisfaction de ses adorations. Il est satisfait de son niveau d'adoration. Il dit « Alhamdulillah, aujourd'hui j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. » Même s'il le dit à personne, il le pense en lui-même. Le croyant qui a ce degré de muhasaba, il ne voit jamais son adoration qui arrive à la hauteur de ce que mérite son adoré. Elle n'arrivera jamais à la hauteur de ce que mérite Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça même le Nabi alayhi salatu wa salam, il entrera au paradis avec la miséricorde d'Allah et non pas avec ses œuvres. Alors que dire de nos adorations à nous? Et le fait de penser du bien de soi-même, ça indique l'ignorance des droits d'Allah sur toi et de ce que Allah mérite comme adoration et de ce qui convient de vouer Allah comme adoration. En résumé, l'ignorance de nous-mêmes, de notre nafs, l'ignorance des caractéristiques de notre nafs et de ses défauts, et l'ignorance de notre Seigneur et de ce qu'il mérite comme adoration, ça peut donner des péchés très graves, des péchés du cœur, comme al-ujb. Al-ujb, l'énerveillement par soi-même, le sentiment d'autosatisfaction, l'arrogance, la vantardise, el-kibr, l'orgueil, le mépris des créatures, les voir inférieurs à toi et te voir supérieur à eux. C'est pour ça que Salaf, ils ont dit, celui qui dit que je suis alim, c'est un ignorant. Cheikh Al-Albani, rahimallah, il rapporte de lui que vers la fin de sa vie, il a dit, je sens que je vais mourir ignorant. Et ça indique que sa science a tellement augmenté, ça indique la largesse de sa science qu'il a réalisé que tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il a appris durant toute sa vie, qui a été consacré à la demande de science, rahimahullah, il n'est arrivé qu'à très peu de la science qui est propagé entre les humains. Que dire de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala?